Votre plus récent bulletin d'information, le sport local et régional, au microphone Danny Veillon. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Aigles de Roberval. On sait que le premier camp d'entraînement des Aigles de l'histoire va commencer très très bientôt. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Simon Godreau, qui est en charge du programme des Aigles. Et dans un premier temps, il mentionne que cet été, on a travaillé fort, évidemment, à monter l'an 1 des Aigles. On va l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, là? Dans le fond, on avait beaucoup de pain sur la planche, là. On a rencontré beaucoup tous les joueurs à la fin des camps d'entraînement. On avait beaucoup de toutes choses à mettre en place également, là, point de vue conseiller pédagogique, rencontrer nos professeurs à l'école, faire nos commandes de matériel, tu sais. On est tous à bâtir, hein. Fait que, dans le fond, on avait tous nos chandails, les chandails de pratique, rencontrer, dans le fond, là, on a fait nos entrevues également d'entraîneurs qu'on va annoncer, dimanche, là, lors de la rencontre de parents, on a très hâte de vous les présenter. Donc, c'est tout à faire des rencontres avec tout ce beau monde-là pour se mettre tous sur la même page pour que, dans le fond, on soit une uniformité, que tout le monde travaille dans le même sens, puis que tout le monde, dans le fond, se plaît dans ce qu'ils vont faire comme tâche au sein des Aigles. Les entraîneurs des Aigles de Roberval seront nommés dimanche, de même que les entraîneurs adjoints. Simon Godreau explique le processus que la direction a fait pour trouver les entraîneurs. Les gens appliquaient pour travailler avec les Aigles. Il n'y avait pas nécessairement d'équipe. On avait ouvert autant les postes d'entraîneur-chef qu'entraîneur adjoint. On voulait se garder une marge. Puis suite, dans le fond, aux discussions lors des entrevues, on était capable de caser un petit peu plus les gens. Est-ce qu'ils étaient plus à l'aise avec quel type de clientèle? C'est plus des jeunes, avec les plus vieux. Est-ce qu'ils étaient plus à l'aise comme adjoint, plus en chef? Nous autres, c'était de faire la part des choses avec les gens qu'on avait déjà en place avec nous, puis essayer de faire le meilleur organigramme possible pour le développement de nos joueurs. Qu'est-ce qui va être le mieux pour nos jeunes? Et dans un dernier temps, Simon Godreau parle des joueurs. Donc, il y a certains joueurs qui sont déjà assurés de leur poste, mais il y en a d'autres, cependant, qui devront le gagner au camp d'entraînement. C'est sûr et certain qu'il y a des marges, là, il y a des marges de manœuvre qui ont été faites. Après les camps d'entraînement, il y en a qui sont partis confirmé dans nos équipes, on a confirmé. D'autres qui ont un pied dans la barque, comme on dit, là, s'ils travaillent fort cet été, ils vont faire partie de nos équipes. Puis on se garde une marge de manœuvre parce qu'on a des gens encore dans les camps au milieu 3, on a des camps au cadet D1. On a, on sait très bien que, tu sais, le milieu 2B, il y en a peut-être qui auraient fait des téléphones à certains de nos joueurs également. Ouais. On veut travailler ensemble, on veut se garder une marge de manœuvre. T'sais. Si je book une équipe et j'ai 3-4 cancellations à ce jour, ça va être plus difficile d'avoir une équipe sur la glace. Donc, on veut se garder une marge d'erreur, puis on veut voir. C'est devant des gradins passablement garnis que les voyageurs de Ville-Saguenay ont remporté le match suicide contre les Diamants de Québec par la marque de 10-3 hier au stade Richard Desmeules. Donc, grâce à cette victoire, la troupe de Martin Pouliot a gagné le championnat de sa division, de la division Sun Life. Le défenseur de l'Avalanche du Colorado, Samuel Girard, sera le parrain d'honneur de la 32e campagne de hockey Midget 3. Je garde mon sport en santé. Cette campagne a comme but de sensibiliser les jeunes à dire non à la drogue ainsi qu'à la boisson. Plusieurs initiatives seront faites, particulièrement au mois de novembre, pour sensibiliser les jeunes à la drogue. Il y aura également une capsule de 30 secondes qui mettra en vedette Samuel Girard, qui va passer à RDS au cours de l'année. Maintenant, on va parler de baseball, la Ligue de Balmol maintenant. Donc, Ligue de Balmol de Dolbeau-Mistassini. On sait qu'il y a une ligue qui fonctionne très, très bien à Dolbeau-Mistassini. Donc, il y avait des matchs lundi soir. Et Coors Light a défait le Métro 18-13. Gain du Météor 21-6 contre le Sport Expert. Du côté maintenant de Roberval, le Zodiac a défait le Megavac par le pointage de 11-5. Garma 14, Saint-Hubert 9. Et le Pièce de Tour au Ciel a défait Intersport 16-7. Au cours des derniers jours également, il y avait un tournoi junior à Saint-Prime. Et performance exceptionnelle au niveau junior de William Linton John, qui a gagné en catégorie A. Chez les filles, Adrienne Allard a remporté. Et du côté juvénile de la classe junior, Vincent Lemieux a été le meilleur golfeur avec un pointage de 157. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, du côté du senior féminin, l'équipe de la deuxième équipe de Saint-Bruno défait de Boom-Sesny 5-0. Senior masculin division A, l'FC du Fjord défait Robertval par le pointage de 7-2 et un gain de 4-3 de l'attaque de Saint-Prime contre Saint-Bruno dans un match de senior féminin division 2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec plusieurs intervenants. Simon Gaudreau vient nous parler des Aigles de Robertval. Également, on s'est entretenu avec aussi hier d'autres intervenants dans le monde du sport. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.